الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نغب الباساج شوف الحج الغزو مع الإمام مع الحاكم صلاة الجمعة. ما جي باج 224 ثم vous avez 180. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وتصلي بعدها 6 ركعات. تو عندك تو عندك عندك وتصلي ها يصلي يو يجيكم تو هو يصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا. قال أحمد بن حنبل. Le Hajj et les expéditions seront sous sa direction à l'imam. Et la prière du Jumu'a, du vendredi derrière lui, c'est-à-dire le mauvais imam, est permise. Et six raka'at devraient être priées après lui, en les effectuant en série de 2 raka'at. Et c'est le dire de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le Sharh. Salahiyat al-imam est kathira. Donc les fonctions de l'imam, elles sont nombreuses. Wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wa l'itla' alayha al-ahkam al-sultaniya التي ألفت في هذا، مثل الأحكام السلطانية للموردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحية الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا. Donc il dit en fait les fonctions et ce que peut faire l'imam. Salahiyat, c'est sur quoi il est salih. Yani, qu'est-ce qu'il peut faire comme ce qu'il a cité là, diriger les pèlerins, des expéditions, des batailles, salat al-jumu'a, وغيرها, etc. Il dit, il y a des livres à ce sujet-là. Ahkam sultaniya, donc ahkam sultaniya al-mawardi, هذا نسيت لا تاريخ تاعو كيفاه. Ahkam sultaniya li Abi Ya'la al-Hanbali et d'autres livres qui ont été écrits à ce sujet-là, aussi bien ça touche aussi bien la jurisprudence, le fiqh, que kutub al-aqaid, les livres sur al-aqida, comme on a dans ce passage de l'imam al-Barbarahi rahimahullah ta'ala. قال أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين. الإمام c'est lui qui dirige la prière du vendredi et les 2 fêtes, عيد الفطر وعيد الأضحى. ويصلي المسلمون خلفه. Les musulmans, ils prient derrière lui. إلا أن يختار هو. Sauf si lui, il désigne quelqu'un. ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس. Sauf si lui, il désigne quelqu'un ou il donne cette responsabilité à quelqu'un. من العلماء, quelqu'un parmi les savants, les connaisseurs, ou bien des gens qui ont une certaine connaissance dans le domaine religieux, qui étudient ce domaine. Quelqu'un qui dirige, qui prend cette fonction-là. لكن الأصل أنه أحق بالإمام في الجمعة والعيدين. Mais à la base, le plus méritoire de cela, c'est le dirigeant. الجمعة, صلاة الجمعة, la prière du vendredi, et les deux fêtes. فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك. وهذا عليه العمل الآن. Et si jamais lui désigne quelqu'un pour s'occuper de ces fonctions-là, il peut agir de la sorte. C'est-à-dire que c'est ainsi que ça se passe de nos jours. Hukam al-Buldan, il ne s'occupe pas ni de Ada Salawat, etc. Il y a des gens qui sont aptes à faire ça, qui sont déterminés par les autorités pour s'occuper de ces fonctions-là. ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم. هو الذي يقيم الحج. C'est lui qui s'occupe donc de ce rite-là, qui est le pèlerinage. ويقود الحجيج. C'est lui qui est leur dirigeant. Il les dirige. قائد, c'est quelqu'un qui dirige, qui conduit. ويتأمر عليهم. التأمر, ça vient de l'imara. Ça veut dire c'est lui l'amir. C'est lui le dirigeant. C'est à lui qu'il faut revenir en cas de. وينظر في مشاكلهم. Il s'occupe des différents problèmes. Différents soucis que peuvent rencontrer les pèlerins. Thalithan, troisième point, iqamatul jihad fi sabilillah min salahiyat al-imam. Huwa alladhi ya'muru bih. Également, le fait d'ordonner à ce qu'il y ait le jihad. Le jihad dans le sentier d'Allah, ça fait partie également des fonctions et des aspects que l'imam, c'est-à-dire que le gouvernant, il possède. C'est lui qui ordonne cela. Wa huwa alladhi yunazzimu ar-rayat. C'est lui qui établit les étendards, qui nomme des gens qui sont responsables de différentes choses. Ar-rayat, jam'u raya. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la'utiyanna ar-rayata ghadan, Rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Il a dit demain je vais donner un étendard à quelqu'un qui aime Allah et son messager, que Allah et son messager aiment. Les gens, ils ont commencé à discuter, il y en a qui sait qui va l'avoir. Le lendemain, il a dit, il est où Ali ibn Abi Talib? Ils lui ont dit, ishtaki ayni. Il a des douleurs aux yeux. Ils l'ont appelé. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il y a? Nasaha. Hein? Vazaqa fi wajhi. C'est comme s'il avait, il avait plus rien. Atah al-raya, il lui a donné al-raya, il lui a donné l'étendard, il lui a dit fid' ala rislik, etc. Le hadith ma'ruf. C'est lui qui choisit les soldats, les gens qui vont donc participer au combat, à la guerre, etc. Il désigne des umara, c'est-à-dire des gens qui sont des gens qui sont sous son l'autorité suprême à lui, il désigne des gens qui ont des fonctions en dessous de lui. Donc c'est lui qui donne, il jennit, ça vient de junt. Il donne, il établit tant et tant de soldats pour Sariyat Kada. Sariyat, donc c'est une expédition. Il dit ça, par exemple, dans l'Ahd al-Nabawi, ils utilisaient ce mot quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participait pas à cela. Juyush, Jem'u Jaysh, qui est le. L'armée hakak. Wa yusallihu al-mujahidin, il leur donne silah, il leur donne des armes. Wa yuwajjihuhum ila ghazwi al-adou. Il les dirige dans la bataille envers l'ennemi. Wa yu'ayyinu lahum al-jiha allati yaghzunaha. Il leur détermine passer par là, passer la nuit ici, etc. Fal-jihad min salahiyati al-imam wa laysa al-jihad fawda. Il dit le jihad, ça fait partie des fonctions, des choses que peut établir l'imam, le gouvernant. Et c'est pas, ça se fait pas n'importe comment. Kullu man arada hamla al-silah wa yaqtulu wa yahjum wa yaqtula wa yahjuma wa yaqul ana ujahidu fi sabilillah. Hada laysa jihadan fi sabilillah. Il dit, chacun et toute personne qui veut combattre, il prend des armes et il va, il attaque comme il veut lui, etc. Il dit, c'est pas ça le jihad fi sabilillah. Il dit, le jihad fi sabilillah munazzam wa mazbout bi dhawabit ash-shar'iyya. Le jihad fi sabilillah, il y a une organisation et des aspects à respecter, et des paramètres à respecter, des paramètres légitimes religieux. أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع. Il dit, si jamais ça se transforme en désordre total, صار تخريبا. Au lieu de construire, toi tu es en train plutôt de faire des trous et de détruire tout. خراب. وصار ضرره. Et les méfaits de ce que tu es en train de faire seront plus grands et plus nombreux que le profit, s'il y a du profit. فالضرر الناجم عنه أكثر. Le mal qui provient de lui, il est plus grand. فالأمور لها ضوابط والجهاد أمره عظيم. L'umour, toutes ces choses-là, elles ont des paramètres bien précis à respecter. Et le jihad, c'est quelque chose de très sérieux et de très important. يحتاجوا إلى انضباط. Il a besoin que tout soit paramétré, tout soit bien établi et clair. ويحتاجوا إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. Il demande à avoir une certaine connaissance à ce qui s'y rapporte, les versets du Coran, les sunnah, les hadiths du messager, les paroles des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Laysa al-amru fawda. C'est pas chacun comme il veut, chacun comment il considère la chose. Bien yati wahid min du'at al-fitna wa yataza'amu ha'ula al-ghalin aw al-mutatarrifin aw al-juhhal alladhina la yadruna yataza'amuhum wa yaqul nujahid fi sabilillah. Il dit, il y a quelqu'un par exemple, quelqu'un qui prêche la turpitude ou qui prêche la discorde, et il y a ta za'am à ha'oula, il y a ta za'am, ça veut dire il prend za'ama, il prend la direction. Il va les commander. Al-Ghalin, ça vient de relou, il va commander ces gens-là qui sont des extrémistes, mutatarrifin, juhal, ou juhal, des ignorants, des gens qui exagèrent dans la religion. Et qui ne savent pas, les drones ne connaissent rien. Une personne comme ça, elle vient et elle prend les commandes et elle dit, on va faire le jihad fi sabilillah. Nous jihadu fi sabilillah. Hada yu'tabaru min ad-darar 'ala al-islam. Tout ça, ça va ramener du mal à l'islam. Ça va être néfaste envers l'islam ou les musulmans et envers les musulmans également. Et c'est absolument pas un jihad qui est conforme. لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد. La personne n'aura pas respecté les paramètres qu'il faut respecter quand il y a le jihad fi sabilillah. Wa idha lam yataqayyad bi dawabit al jihad sara fasadan wa laysa jihadan. Si jamais la personne ne respecte pas les paramètres religieux, c'est plus un jihad fi sabilillah qui est, comme on avait vu l'autre fois, shi'ar al-din wa ibada min al-ibadat, c'est une adoration parmi les adorations. Là, des paramètres à respecter, des conditions, etc. Il dit ça devient de la corruption sur terre, fasad. Wa kullu shay'in tajawaza haddahu fa innahu yanqalibu ila diddihi. Chaque chose, quand tu dépasses sa limite, elle devient le contraire. Hein? Au lieu qu'elle soit profitable, elle devient complètement nuisible. فَهُمْ يَقُولُونَ الْآنْ إِمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَنْتُمْ تَمْنَعُونَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Maintenant, ces gens-là, ils disent quoi? Quand quelqu'un réprouve, il leur dit, faut pas agir de la sorte, etc. Ils disent, vous avez annulé complètement le jihad fi sabilillah. Vous interdisez aux gens de faire le jihad fi sabilillah. نقول, نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله, لكن نقول La Buddha an yanzabit al jihad bi dhawabit shar'iyya. Le Cheikh dit, on ne dit pas qu'on interdit le jihad fi sabilillah, mais respectez les paramètres religieux et il n'y aura pas de problème. Wa ma ta'malunahu hadha fawda wa laysa jihadan wallahu lam ya'mur bi hadha. Et ce sur quoi les gens ils sont, la plupart, à ce sujet-là, c'est pas un jihad fi sabilillah, c'est la débauche, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. C'est pas un jihad fi sabilillah, c'est pas conforme à l'ordre divin. فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر. Tout ça, diriger les pèlerins, diriger les expéditions, les batailles, la prière du vendredi, la prière de l'Eid, petit Eid et le grand Eid, tout ça, ça fait partie des fonctions et des choses dans lesquelles peut intervenir l'imam, sauf si le gouvernant, sauf s'il détermine, comme on a vu avant, des gens et qu'il donne ces fonctions-là à des personnes bien précises. قوله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. Et la prière du Jumu'ah, du vendredi derrière lui, c'est-à-dire derrière le mauvais imam, est permise. يعني ولو كان عندهم فسق. C'est-à-dire même s'ils ont, comme il dit, mauvais imam, même si c'est des gens qui ont de la débauche, ولو كان عندهم معاصٍ, même si c'est un pécheur, فإنه يصلى خلفهم. Il faut prier derrière eux. لأن في الصلاة خلفهم جمع للكلمة. Quand on prie derrière eux, il y a le جمع للكلمة. C'est-à-dire que la parole de tout le monde sera réunie, yani les musulmans, ils vont rester une seule fraction, un seul groupe. Il dit, le débauché, quand il fait quelque chose de bien, soit avec lui dans ce bien. Hein? قال يا ابن اخي اذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فتجنب اساءتهم. Donc il a été dit à Uthman ibn Affan رضي الله عنه وهو محصور. محصور, c'est-à-dire que il pouvait plus sortir de chez lui quand il l'avait encerclé. ان فلانا يؤم الناس, un tel, c'est lui qui dirige la prière, alors qu'il n'est pas ليس بإمام, c'est pas un imam, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui est apte à ces choses-là, c'est pas quelqu'un qui a les facteurs et les paramètres de quelqu'un qui prend une responsabilité pareille. Wa innama huwa imamu fitna. Ils lui ont dit, c'est un quelqu'un qui dirige la discorde et la turpitude. Uthman radiallahu anhu, il a dit, qala ya ibn akhi, en sens au fils de mon frère, c'est kalimat tawaddud, hein. Idha ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum. Quand les gens ils font quelque chose de bien, soit fais ces bonnes choses-là et associe-toi avec eux à leur égard. Wa idha asa'u fatajannab isa'atahum. Hein? Quand ils font des choses mauvaises, écarte-toi de leur des choses mauvaises, il y en a qui font. Rawah al-Bukhari fi sahihihi an Abdillah ibn an Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar bihi. قال فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة. Donc il dit, quand il dirige la prière de l'Eid, la prière du Jumu'ah, on prie derrière lui, même s'il a des débauches, même s'il a la turpitude, etc. لما في ذلك من المصلحة, car il y a l'intérêt, yani, de prier derrière eux et le bénéfice qu'il y a en faveur de l'islam et des musulmans, il est plus grand que le fait, yani, de inkar, etc. ولأن الصلاة عبادة, la prière c'est une adoration. الفاسق إذا صلى يشجع على هذا. Débauché, quand il fait la prière, faut l'encourager à continuer à ce sujet. ويدعى له, faut invoquer en sa faveur. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره. Les compagnons, ils ont prié derrière des gouvernants, des gens qui avaient de l'autorité, et sur lesquels il y a discussion, il y a des observations à citer. Ça veut dire qu'ils ont des débauches, ils ont des choses qui ne sont pas bien. Qu'al-Hajjaj, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wa ghayrihi, salla khalfahum sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des nombres de compagnons qui ont prié derrière lui, hein, différentes prières. Imtithalan amr al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa jam'a lil-kalima. Pour respecter l'ordre du messager, mettre en application l'ordre du messager pour réunir la masse des musulmans, pour pas qu'il y ait de divisions, etc. Qawluhu wa yusalli ba'daha sit raka'at. Et 6 raka'at devraient être priées après lui. Donc il dit, ça c'est un sujet de jurisprudence qui est venu suite à l'évocation de la prière du vendredi. Al-Jumu'a n'a pas de ratiba qablaha, n'a pas de raka'at qui sont attachés au Jumu'a avant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre de raka'at qui est déterminé. فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدْ فَإِنَّهُ يُصَلِّ مَا تَيَسَّرَ لَهُ وَيَجْلِسُ وَيَنْتَظِرُ. Celui qui vient avant, il peut faire deux raka'at de salutation et faire autant de raka'at qu'il veut sans se résigner ou se limiter à un nombre bien précis. En disant c'est sunnah de faire 4 ou 6 ou 8 ou 10 ou 15 ou 20 ou 16 ou 20, mathalan, il dit c'est ouvert. Hein, c'est ouvert, tu fais autant de raka'at que tu veux. Ou bien, il s'assoit, ou bien il prend un nombre de raka'at et il s'assoit, il attend. وَإِنِ اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَحْضُرَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ. Si jamais il ne cesse de faire deux raka'at à chaque fois, hein, il les réitère à chaque fois, jusqu'à ce que l'imam se présente, le sermonneur se présente, c'est préférable. عَلَى أَنَّهُ نَفْلْ مُطْلَقْ لَيْسَ لَهُ عَلَاقَةٌ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ. Mais attention, il dit, il ne faut pas le considérer comme ratiba, sinon tu rentres dans le bid'a. Il dit, il faut le considérer comme nafl mutlaq. Un nafl mutlaq, c'est-à-dire que c'est une prière surérogatoire, ouverte à l'absolu. Tu peux faire deux raka'at, comme tu peux en faire 100 ou 200, autant de raka'at que tu veux, sans te délimiter en disant, minas sunna, deux raka'at avant le jumu'a, ou 4 ou 6, etc. Amma ratibatul jumu'a, fahiyya ba'daha aqalluha raka'atan. Concernant ratibatul jumu'a, ce qui est rattaché au jumu'a après la prière, il dit, il y a plusieurs hadiths qui sont venus à ce sujet-là, c'est cité. Le minimum qui est cité, c'est deux raka'at, deux unités. Wa aktharuha 'ala al-mashhur 4 raka'at bi salamayn. Et le maximum, c'est 4, maximum de ce qui est connu de la sunna, c'est 4 raka'at avec deux salam, c'est-à-dire deux raka'at puis deux raka'at avec deux salam. Wa ja'a fi riwayatin annaha 6 raka'at bi 3 taslimat. C'est venu dans une version que tu peux faire jusqu'à 6 raka'at avec 3 taslimat. Donc deux raka'at fi salam, deux raka'at fi salam, deux raka'at fi salam. Idan yakunu aqalluha raka'atan wa aktharuha 6 raka'at aw 4 raka'at kama huwa al-mashhur. Il dit donc minimum 2, maximum 6, et ce qui est plus connu c'est 4 raka'at maximum, wallahu a'lam. Qawluhu yafsilu bayna kulli raka'atin hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. En les effectuant en série de 2 raka'at, et c'est le dire de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Fi masa'ili عبد الله بن الإمام أحمد قال عبد الله سألت أبي كم يصلي الرجل بعد الجمعة قلت الذي هو أحب إليك قال إن شاء صلى أربعا بعد الجمعة وإن شاء صلى ستا إلا أنه يسلم في كل ركعتين وكذلك صلاة النهار كلها مثنى انظر رقم كذا وكذا. إذا مسائل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد إذا عبد الله الذي donc j'ai interrogé mon père l'imam Ahmed, rahimahullah, combien la personne doit prier après le Jumu'ah? Il lui a dit, l'adhi huwa habbu ilayk, comme, ce que tu préfères. S'il veut, il prie 4 raka'at après le Jumu'ah, s'il veut, il prie 6 raka'at, sauf qu'il doit les décomposer en 2 raka'at, faire le salam après 2 raka'at à chaque fois. Également la prière journalière, 2 raka'at, puis tu fais le salam, 2 raka'at, puis tu fais le salam, etc. قال اي ليس معنى ذلك انه يصلي 6 ركعات سردا بسلام واحد. دي 6 ركعات ça veut pas dire que tu les fais d'un coup سردا يعني متتابعه متواليه بدون سلام c'est ça السرد. بل 6 ركعات كل ركعتين بسلام 6 ركعات en coupant à chaque fois que tu finis 2 ركعات tu fais السلام او 4 ركعات كل ركعتين بسلام هذا هو الافضل ولو 4 ركعات tu fais 2 ركعات tu fais السلام 2 ركعات tu fais السلام. ونسبته الى الامام احمد لان المصنف حنبلي. Pourquoi il a attribué ça à l'imam Ahmed? Parce que c'est son l'école à laquelle il s'attribue, l'auteur Al-Barbahari rahimahullah, ويعرف مذهب الامام احمد. Il connaît donc l'école de l'imam Ahmed. هذا رواية عن أحمد أنها ست ركعات المشهور أنها أربع ركعات. C'est cité dans une version que c'est من السنة tu peux faire jusqu'à 6 ركعات après الصلاة إلا أن المشهور ce qui est connu c'est 4 ركعات فقط. فهمت الفصل هذا؟ شابيت غدا مفهوم؟ يوسف عندك إشكال؟ Les 6 là c'est la divergence c'est que c'est quand même relative. ايه يعتبرها راتبه لان النفل المطلق سي افون الجمعه اي ميم tu prends pas en considération le zawal لا شيخ صالح فوزان في بلوغ المرام يقول هذا مستثنى سي اكسبتي في خلاف بين العلماء لكن يدي سي اكسبتي لان الصحابه سي با رابورتي كوم كوي ساغتي في وقت الزوال كانوا يصليوا على التوالي جوسكاس كل امام يحضر وبالنسبه للركعات في خلاف بين اهل العلم يا بوكو دو المعاصرين جو بارل دي كونتمبورين يرجحوا ان سي تو بري دو ركعات في المسجد سي تو بري هكا الحديث كاتر في الدار هكا رياض عدد الركعات كاين حديثين كاش واحد يحفظ الحديث هذا اللي شفت مع ركعتين بعد الجمعه حديث ابن عمر في الصحيح ركعتين بعد الجمعه فاما الركعتان التي بعد الجمعه ففي بيته ركعتين في بيته حديث في العمده ركعتين في البيت دو ركعات سي على ميزون كات ركعات سي على موسكي الا ان الشيخ بازمول دون بغية المتطوع يخالف هذا يقول ان الحديث كي دي كو سي ميو دو بري التطوع على ميزون اي بريم سور سو تيب دو حديث لا باسكو سكي رابورتي سي كو دو ركعات سي على ميزون اي كاتر اي فيزي سا على موسكي ابخي الجمعة لنحفظ انا هذا نزيد نراجعوها ان شاء الله لكن نحفظ هذا جبان مغابلي حديث في عمدة الحكام إلا نعم إلا الشيخ عبد المحسن عباد بوكو دوتر يقولوا رجح كثير من المحققين الشيخ يرجح هذا الكلام في أدب المشي للصلاة يدي أن ركعتين سي على ميزون اي كاتر سي على موسكي هذا هو السنة والله أعلم ست ركعات ما نعرفش يعني الحديث جو لو كوني با نعم رمزي عندك إشكال فاذا صلى يصلي معه اذا كان ولي امر معناه لازم يكون زوج الامام لا ولي امر هذه تطلق على الحاكم يسمى ولي الامر يعني ولي الامر الاكبر فهمت ولي الامر الاكبر هو حاكم البلاد حاكم بلد كذا يسمى ولي الامر ولاة الامور يقولوا بالجمع ولاة الامور فهمت حتى ولو اعزب حتى ولو مطلق ماشي مشكل ولي امر وفيك بارك الله جوز دالمتن كايدي الإمام بعضين نعم دالمتن كايدي والغزو مع الإمام ماضين واش ترجمها كيف ترجمها؟ جوستومون إلى جديد الحاجة إلى ديكسبيزيسيون سوغون سا ديريكسيون الإمام ماضي معناه أنه سا كونتينيو سا غاست كوم سا تي فوا فوالا سي أون بيرمانونس واضح الفصل مفهوم وصلوا الفصل اللي بعده قال المؤلف رحمه الله والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الخلافة الخليفة restera parmi les Quraysh jusqu'à ce que Isa ibn Maryam alayhi salam descende رمزي عندك حاجة أخرى؟ لا سي بون إلا عندك حاجة أخرى وقف ما فيهاش مشكل Tu peux répéter en français, s'il te plaît. Le califat restera parmi les Quraysh jusqu'à ce que Isa ibn Maryam alayhi salam descende. الشرح إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمامة وكل واحد منهم يصلح للإمامة فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره عندكم إذا تشاح ترشح أنا قلت بلك مشاحات مشاحات كما في الحديث وحصلت مشاحة من الذي يتولى ريفاليز هكا يقولوا ريفاليزي S'il y a plus qu'une personne, acteur min wahid, fi man yali, إذا تشح أكثر من واحد في من يلي الإمام. يعني plus qu'une personne qui veulent prendre cette responsabilité, cette fonction qui est l'imam, qui est يعني الحكم, qui est le fait de diriger, etc. Et chacun d'entre eux, il est صالح لهذا. Chacun d'entre eux, il a les facteurs qui sont nécessaires pour prendre cette fonction-là. فإنه يقدم القرشي. On va faire primer celui qui est issu de Quraysh. لميزته على غيره. Car il a un pas d'avance sur l'autre. Misa, on a dit, c'est distinction. Il se distingue des autres. لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. حديث رواه الطيس اللي في مسنده والإمام أحمد في المسند والنسائي في السنة الكبرى وابن أبي عاصم في السنة وابو يعلى في مسنده والبيهقي في السنة الكبرى وصحح الضياء في المختارة. Donc il dit que الأئمة من قريش. Les dirigeants proviennent de قريش. وقوله قدموا قريشا ولا تتقدموها. قدموا قريشا, c'est-à-dire faites devancer قريش et ne les devancez pas. رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد في الهيثمي. قال فإذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة من الذي يتولى فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. Donc il dit dans le cas où il y a plus d'un protagoniste qui se présente à ça, qui sait, à l'imam, qui sait qu'on va choisir, il dit يقدم القرشي, on va faire devancer celui qui est issu de Quraysh, car le messager صلى الله عليه وسلم a donné une recommandation à ce sujet. ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. Et aussi les compagnons, lorsque le messager est mort, l'Ansar, ils ont dit de nous il y a un Amir, un dirigeant, et de vous il y a un dirigeant. En parlant mais quoi. قال لهم أبو بكر رضي الله عنه إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. إلا لهذا الحي من قريش. صحيح البخاري. Il dit, dans le sens, il a dit, les Arabes n'agissent pas, leur législation, leur religion n'est pas de la sorte à ce sujet-là. Il l'a lié à al hayy. C'est ma. Je me tire. Je vais vous dire. Il n'a l'arabe à l'étudier nous bihada al-amr. Il l'a lié à al hayy min Quraysh. Il y a la base. Hein? À la base, il y a. Personne qui veut dépasser les autres. Et si ce n'est pas l'amal salih comme on dit. Il a fait le cas. Dans ce cas-là, Quraysh, elle prime avec ses origines. Le hayy, qu'est-ce que ça veut dire? Non, le hayy, c'est ce cas, cette situation. Et les Arabes, là, tu dis, ce n'est pas un usage chez les Arabes. Les origines, ils peuvent faire qu'une personne dépasse les autres. Sauf dans ce cas-là. Ou dans l'imama, Quraysh, elle doit prendre. T'as le chauffe. فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. Ils ont fait pacte d'allégeance. عندك الرقم. فبايعوا أبا بكر. Ils ont fait allégeance à أبو بكر رضي الله عنه. ومن بعده عمر. Après lui عمر بن الخطاب. ومن بعده عثمان. Après lui عثمان بن عفان. ومن بعده علي رضي الله عنهم. Après ça علي. ومن بعده معاوية. ومن بعده بنو أمية وبعدهم بنو العباس كلهم من قريش. Donc toute la série qu'il a cité, ce sont tous des issus de Quraysh. أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة. Il dit quand le pacte d'allégeance et d'obéissance il a été établi, il faut obéir, il n'y a plus de discussion. ولو لم يكن قرشيا, même si c'est pas issu de Quraysh. C'est numéro combien? 67. Ah ouais, c'est pas du tout ça. Non. Tu trouves un quelque chose qui ressemble au qaf inchallah. D'accord, il dit en fait que ça c'est quand il atashaha ithnan aw akthar. Quand il y a plus qu'une personne qui veut se présenter, qui veut diriger le muslimin. Il dit quand le pacte d'allégeance etc. il a déjà été fait, hakim khalas, il a été déterminé. Il n'y a plus cela, le fait de faire devancer Quraysh ou pas Quraysh. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا. Même s'il n'est pas issu de Quraysh. أَوْ كَانَ الْقُرَشِيُّ لَا يَصْلَحُ لِلْإِمَامَ. Ou bien s'il y a un issu de Quraysh, mais il n'est pas apte à prendre une fonction pareille. فَمُجَرَّدُ كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لَا يُخَوِّلُهُ لِلْإِمَامَ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَ الْقُرَشِيَّةِ صَالِحًا لَهَا ولم يكن هناك إمام قائم. إذي le fait qu'il est simplement issu de Quraysh, ça n'engendre pas. Là, يخوله للإمامة, ça ne fait pas qu'on va lui attribuer cette fonction qui est l'imam, qui est le fait de diriger les musulmans, les musulmans. Sauf si, avec ce paramètre-là, avec le fait qu'il a cette faveur-là, qui est issu de Quraysh, en même temps, il est apte à prendre le hukm, il est apte à prendre cette responsabilité. En même temps, il n'y a pas de dirigeant dans l'état actuel. قوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. Jusqu'à ce que عيسى بن مريم, c'est-à-dire que l'imam في Quraysh, jusqu'à ce que عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, il descend à la fin des temps. إشارة إلى أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي وهو من بيت الحسن بن علي بن أبي طالب فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش وأولهم من قريش وهو أبو بكر. Donc il dit, ça montre que عيسى عليه الصلاة والسلام, quand il va venir, il va descendre. Et le dirigeant des musulmans à ce moment-là, c'est Mohammed ibn Abdillah. Donc c'est le Mahdi. Le Mahdi, on sait qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdillah. Son prénom, il est en concordance avec le prénom du prophète. Et le prénom de son père, il est en concordance avec le prénom du prophète. Le prénom du père du prophète. Wa huwa min bayt al-Hassan. Il est un descendant de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Le hadith fi Sunan, ils sont rapportés dans Sunan, An-Nasa'i wa ghayrih, que il est originaire descendant de Al-Hassan. Hassan fils de Ali. فيس دو أبي طالب رضي الله عنه وشفنا في كتاب في الكتاب هذا وفي غيره أنه إذا يتخذوا الحسن فيس كل حسن يسي تنازل عن الخلافة إلى ليس الخلافة معاوية donc الله il a rétribué donc il y a dans sa descendance quelqu'un qui à la fin de temps il va prendre الخلافة il va s'occuper de direction des musulmans فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش ça montre que le dernier des dirigeants il sera issu de Quraysh, puisque Quraysh on revient Hassan, fils de Fatima, fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Ali lui-même, il remonte à Fihr, l'ascendance de Ali, Ali ibn Abi Talib, ibn Abdel Muttalib ibn Kada, ça remonte jusqu'à Fihr, puisque c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Fihr c'est Quraysh. Fadalla ala anna akhira wachan huwa? آخر الأئمة يكون من قريش وأولهم من قريش. Le premier dirigeant c'était Abu Bakr Abdullah ibn Uthman al-Qurashi. Il est issu de Quraysh. Le dernier Mohammed ibn Abdullah al-Mahdi. Il est issu également de Quraysh puisque ça remonte à Al-Hassan fils de Ali, fils de Abu Talib, fils de Abdel Muttalib, fils de Hashim, etc. وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. Il dit ça c'est dans l'état, selon les capacités. وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية. S'il n'y a pas de... On ne trouve pas de personnes issues de Quraysh, ou bien il n'est pas apte, etc. Il ne faut pas... On laisse yanni les gens sans wilaya, sans autorité qui les dirige. Ou idha qama bil amri, ou idha qama bil amri, ghayru Qurashi, wa kanat fihi salahiyya, annana nub'iduhu wa naqul, la tasluhu li hadha, fa yajibu ma'rifatu hadhihi l'umur. Il dit ou bien s'il y a quelqu'un... qui n'est pas issu de Quraysh et qui s'occupe des musulmans, il a la direction, etc., l'autorité, et il est apte à cela, il ne faut pas l'éloigner en lui disant tu n'es pas apte à cela. Et Cheikh Yani dit qu'il faut impérativement connaître ces points importants. قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. Quiconque se rebelle contre l'imam, gouverneur responsable parmi les imams des musulmans, est un khawariji. Et il est la cause de la divergence d'opinion des musulmans. Et il contredit les athars récits. Et s'il meurt ainsi, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance et jahiliya. الشرح قوله هو من خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. Celui qui se rebelle sur un gouvernant parmi les gouvernants des musulmans, il rentre dans la secte de الخوارج. من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاصي أو مخالفات كما فعل الخوارج فهذا له حكم الخوارج. Il dit celui qui sort sur l'obéissance, il se rebelle, il refuse d'obéir aux autorités, ولي الأمر, au gouvernant, Ça veut dire qu'il coupe cette relation, cette obligation d'obéir dans le bien. C'est quoi son argument? Il dit le gouvernant, il fait ça, il fait tel péché, il fait telle chose, et on l'a vu au Kada. Tout comme l'ont fait les Khawarij. Il est considéré comme un parmi eux. Il a la même loi et il est réuni avec eux dans le Hukm. Et les Khawarij, c'est une dalle qui est apparue. عندكم بي ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بذرته نعم خوارج دونك فئه سي ان جروب ها كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره الفئه جماعه شوكه خوارج فئه سي ان جروب فراكسيون بال لا ايغاري سا غرين بذره البذور السافره بذور بذره سي une graine que tu sèmes. Il dit sa graine elle est apparue à l'époque du messager حينما جاء ذو الخويصره quand il est venu ذو الخويصره التميمي وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمه قال له اعدل يا محمد فانك لم تعدل. Il a dit au messager lorsqu'il était en train de distribuer le butin soit équitable. Sois juste en Mohammed car tu n'as pas été juste. Dans une autre version, il a dit Inna qismatun ma urida biha wajhullah. Il lui a dit Tu es en train de décomposer le butin d'une manière que tu n'es pas yani, sincère envers Allah. Faqala sallallahu alayhi wa sallam Waylaka faman ya'dil idha lam a'dil. Il a dit si moi je ne suis pas juste, c'est qui va être juste. Falamma walla ar-rajul qal. Quand la personne elle est repartie, qal sallallahu alayhi wa sallam Yakhruju min dhi'i hadha, yani min jinsih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit va sortir de l'origine de cette personne, hein. De جنس هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوزوا حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit ce sont des gens dont vous allez négliger ou sous-estimer votre prière par rapport à la leur et vos adorations par rapport à la leur et ils lisent le Coran mais ils ne dépassent pas le hanan, le hanjara c'est la gorge, hein, ils dépassent pas la gorge ou l'œsophage, ils sortiront de la religion yamruqun fi khilaf bil ulama, hein, à la base ça veut dire sortir le terme. Maintenant ceux qui ont du kuffar pas kuffar jumhur ulama ils disent que c'est pas de kuffar les khawarij. C'est quoi les deux paroles sortir Yani en français ils le traduisent toujours par sortir. Mais c'est eux qui sortent ou qui font sortir? Sinon ce serait yumriqun. Yumriquna ghayrahum. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Sort de la religion, comme ça le traduit en français. Sort de la religion comme sort la flèche de son arc. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Là où vous les trouvez, tuez-les. Car celui qui il y a à propos de celui qui les tue une récompense auprès d'Allah. Il faut impérativement qu'ils qu'ils c'est les combattre. Hein? Si Cheikh l'avait dit, c'est obligatoire de les exterminer. C'est obligatoire de les combattre. Car il y a kaffi sharrihim al muslimin. C'est exterminer. Hein? Exterminer. C'est la exterminer. Car il y a le fait que tu vas couper, tu vas mettre fin au mal qui émane d'eux envers les musulmans. وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح. Il dit ça c'est quand ils font apparaître leurs armes, qui sortent au grand jour leurs armes, qui portent leurs armes. وأما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن وأما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح فنحن ننكر عليهم. Il dit ceux qui ne font que parler, يعني de faire apparaître la voix des خوارج, leurs idéologies, mais ils ne portent pas ils ne se soulèvent pas d'une manière réelle contre les autorités, يعني ceux qui n'ont pas par exemple d'armes. Et il dit la fonction qu'il faut avoir envers eux, comment réagir envers eux, c'est l'inkar, c'est la réprobation. On leur montre leur leur déviance sans les combattre. لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم. Par contre, ils ont shawka. Shawka, c'est-à-dire ils ont un certain, ils sont auteurs d'une certaine menace. Ils sont un certain nombre. Hein? Il y a shawka. Il dit dans ce cas-là, il faut les combattre. Les musulmans ne doivent pas وصاروا يقاتلون المسلمين. Non, si huma, ils sont une certaine shawka, un certain nombre, et ils combattent les musulmans. Il dit, les musulmans dans ce cas-là ne doivent pas se taire et les délaisser. بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. Le gouvernant, il doit les combattre. ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم. Et la masse des musulmans doivent se ranger du côté du gouvernant contre les khawarij. كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه. Comme ça s'est passé à l'époque de la خلافة de Ali رضي الله عنه. لما قاتل الخوارج في النهروان. Quand il a combattu le Khawarij fi Nahrawan, ça c'est un endroit en Irak, ça s'appelle comme ça, Nahrawan, on donne les sahaba ilay. Les compagnons, ils se sont rangés du côté de Ali. Wa qatalu ma'ahu al-Khawarij hatta qatalahum shar qitla. Hein, ils ont combattu les Khawarij jusqu'à ce qu'ils les ont tués d'une manière vile. Wa nala bidhalika al-ajr alladhi wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a atteint nala, c'est-à-dire il a eu la récompense. Le bidel quel azra. D'accord. On saut, non Abdallah. Comment le bidel quel azra. Nala aliyun bidel quel azra là. Ajri. Alès. Ah non, nala bidel quel azra. Ou l'azra. Il y a juste le jism qui est impossible que tu n'as pas cité. L'azra, hein. Ajra, ya gama'a. Juste par rapport à avant, le chef, il a dit, il y a des gens qui n'ont pas d'armes avec eux, mais ils ont une pensée comme ça. Munkaru alayhim et tout. On a le droit de l'ardouche alayhim salam et tout. C'est autre chose. Peut-être qu'ils vont en parler par la suite. Tout ça, l'hajr. Chauffe qa'id al-amma, l'ulama, anna l'hajra mu'allakun bil maslaha al-mafsada. Comme on a vu dans Qissat Ka'b ibn Malik. Et les deux personnes, les ulama, ils ont dit que le hazr, il est toujours rattaché à l'maslaha al-mafsada. C'est-à-dire le grand paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est ça. Et en fait, toi, Cheikh Najmi, rahimahullah, il dit, si tu passes devant quelqu'un qui écoute de la musique ou qui est en train de fumer une cigarette, il dit, tu passes pas salam. Et nombre de savants, ils ont dit, hada mu'allaq bil maslaha al-mafsada. Si tu vois que tu passes devant lui, tu vas pas lui faire salam, yizdad torian ta'u. Il va encore plus s'enorgueillir, ou kada, il brode le musulmane et tout ça. Dans ce cas-là, salam ali. Tu vois? Et si tu vois que fihi zazr, ça veut dire quand toi tu vas passer au Mutsalim Shaleh, où il va se sentir négligé, délaissé, yani kef, yani huwa andu jur'ap, il tkayef gadam les musulmans, yani il n'a pas de honte, il n'a pas de pudeur, il fume devant les gens, ou il sma'a al-ghina devant les gens, tu vois. Dans ce cas-là, hasab al-maslaha al-mafsada. Le but c'est de réformer la personne, le but c'est pas de la. Hadhihi al-qa'ida al-amma. La règle générale. Wallahu a'lam. Wa fik barakallah. وين هذه؟ إيه نال ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. Il y a une récompense à propos de celui qui les il y a une récompense à propos de celui qui les tue. Non? Ah le passage. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه. وفضائله كثيرة ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. Parmi les mérites de Ali, voilà un des mérites de Ali, il en a de nombreux. Parmi ses mérites, c'est qu'il a combattu les khawarij et qu'il a concrétisé, véracifié et mis en application la parole du messager صلى الله عليه وسلم. Comme vous savez, ça c'est taht wilaya. Tu peux pas tuer quelqu'un même qui se proclame khariji, etc. Toi comme ça, parce que tu sais qu'il se proclame khariji. Tout ça c'est les autorités compétentes de faire ça. قوله قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ميتة جاهلية ميتة جاهلية. Non. Et il est la cause de la divergence d'opinion des musulmans et il contredit les athar récits et s'il meurt ainsi, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance jahiliya. Dans le matin, il dit ميتته. ميتته ميتة جاهلية. فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة. خوارج c'est eux qui ont coupé la l'obéissance, le pacte d'obéissance aux autorités. وخرجوا على ولي الأمر, se sont rebellés sur le gouvernement. وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فلهم علامتان. علامتان, il dit ce sont ceux qui déclarent les musulmans kuffar, mécréants, à travers la mise en application de grands péchés, moindres que le shirk. Donc ils ont deux signes bien distinctifs. Al-alamatu al-oula, premier signe, khurujuhum ala wali amri al-muslimin, wa muhawalatuhum khal'a wali al-amr. Donc il dit le premier, c'est que se rebellent sur le gouvernant des musulmans, et ils veulent essayer de l'khal'a, c'est-à-dire de l'enlever. Hein? خلع الضرس مثلا خلع الضرس سي انلفي تادون خلع. العلامة الثانية دوزيام سين انهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. Il déclare les musulmans mécréants s'ils sont auteurs de grands péchés moindres que le shirk. والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله. C'est quoi qui les a, c'est quoi qui a fait qu'ils agissent de la sorte? L'exagération. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'exagération. رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه والطبراني في المعجم الكبير وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه على شرطه على شرط الشيخين وأقره الذهبي. Donc il dit, hadith, attention à l'exagération, car ce qui a voué à la perdition, ce qui était avant vous, c'est l'exagération. وهو الزيادة في الدين, c'est rajouter dans la religion. والزيادة على المشروع في إنكار المنكر, essayer de réprouver, vouloir réprouver le mal d'une manière qui a dépassé ce qui est légitime. Les agissements légitimes, tu veux dépasser ça, à tel point de se rebeller sur le gouvernant. هذا غلو, c'est de l'exagération. هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم. Voilà l'exagération qui a poussé les خوارج à faire ce qu'ils ont fait. غلو غلو في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة. Ils ont exagéré dans la réprobation du mal à tel point de couper relation, couper obéissance avec les autorités. وغلو في العبادة حتى كفروا مرتكبي الكبيرة من المسلمين. Ils ont exagéré dans l'adoration jusqu'à ce qu'ils ont déclaré mécréant مرتكبي. مرتكب الكبيرة, c'est un pluriel, un مضاف, ceux qui font des grands péchés parmi les musulmans. وقوله خالف الآثار, يعني الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة ولي أمر المسلمين. Ils sont pas en conformité avec les textes qui sont venus, notamment du messager, qui interdisent la répression, le fait de se rebeller sur le gouvernant des musulmans. وميتته ميتة جاهلية. Et s'il meurt ainsi, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance. أي لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية. إلى من خصال وخصال. نعم. Il dit car il a une caractéristique parmi les caractéristiques de l'époque anti-islamique, avant l'islam. Les Arabes avant l'islam, ils étaient différentes tribus. Ils n'ont pas de imam, ils n'ont pas de gouvernant qui les réunit. Qui les dirige. Chaque tribu, elle est à part. ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. تغير معنى تغير monsieur le mot fallait modifier c'était quoi خاص لاتن ايه ou خصال لا خاص لاتن c'est juste خصال من خصال من خصالي فيك بارك الله تغير تغزو كما اللي شفنا في الحديث وهم غارون كان ينتظر هل يسمع الأذان فقد دو لي بروندر كبار سوربريز تشفا دونك يدي تغير تحارب c'est-à-dire chaque قبيلة elle combat une autre et ils se sont pas réunis si ce n'est après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, da'ahum ila l'islam fa aslamu. Da'ahum ila l'islam fa aslamu. Ils les ont prêchés à l'islam, ils se sont soumis à l'islam. Wa saru tahta ra'yatin wahida. Ils avaient un seul étendard, un seul slogan qui les réunissait. Ulihada qala ta'ala, wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et il a réuni vos cœurs. Vous vous êtes retrouvés à travers son bienfait des frères. Surat Ali Imran, surat 3, verset 103. وَقَالَ تَعَالَى وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surat Al-Anfal, surat 8, verset 26. Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua des bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Hada min thamarati ta'ati wali amri al-muslimin. Ça fait partie des fruits générés par l'obéissance au gouvernant. Kullu hadhihi al-khayrat tahsulu inbisatu al-amni wa talab al-rizqi wa imtidad an-nas fi as-sa'i fi talab al-rizq bisababi amni al-turuq. Il dit tout ça, c'est issu de cette chose-là. Hein? Tous ces bien bonnes choses-là sont issues de inbisat al-amn, le fait que la sécurité, hein, sécurité et la sérénité, elle se propage dans tout le pays. Les gens, ils demandent risque, ils demandent de quoi vivre. Ils font les causes pour gagner leur vie. Les gens, ils n'ont pas peur de s'étaler, hein, dans le pays, dans la ville, pour chercher leur subsistance, parce que ils sont en état de sécurité, de sérénité. Ils craignent rien. Amma idha kana hunaka khawfun fan nas la yusafirun. Si l'ajwa multawiya, si yani les gens ils ont peur, etc., ils vont pas voyager. Wa la yabi'una wa yashruna khawfan ala anfusihim hadhihi min fada'il al-jama'a. Les gens ils vont pas voyager, ils ont peur pour leur vie, etc., pas vendre, ils vont pas acheter, tout ça par crainte pour eux-mêmes. Et ça fait partie des mérites de rester en groupe. Wa ta'ati wali amr, et de rester sous les autorités, obéir au gouvernant. Amma al-khuruj 'ala wali al-amr wa shaqqu 'asa at-ta'ah fayalzamu minhu. Fait de se rebeller sur le gouvernant et de couper la relation d'obéissance envers lui, il y a plusieurs choses qui sont conséquences de cela. Awwalan, premièrement, tafriq jama'ati al-muslimin. Les musulmans vont se diviser. Thaniyan, safku ad-dima' bighayri haqq. Le sang il va être coulé sans qu'on ait le droit de le faire couler. Hein? Tu vas faire couler le sang des musulmans. Thalithan, tasallatu al-adou. C'est-à-dire que l'ennemi il va se ruer. Lian al-adou yafrahu bihadha. Adou, l'ennemi, il est content de ce type d'agissement. Walidhalika tajidun al-kuffar. Kuffara. Yafrahuna bin shiqaq al-muslimin. Vous trouvez que les mécréants, ils sont contents que les musulmans sont shiqaq, sont divisés, hein, sont coupés. Wa yufarriquna al-muslimin. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour diviser les musulmans. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dallah wa yumiddunaha bis-silah. Ils disent, il dit, Cheikh, ils aident les groupes qui sont déviants et ils leur donnent des armes. وَيُمِدُّونَهَا بِالتَّخْطِيطِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَخْرُجَ عَلَى جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ. Ils leur donnent même des plans à établir, des plans à suivre pour se rebeller sur les musulmans. وَيَحْصُلُ التَّفَرُّقُ فِي الْمُسْلِمِينَ. Et c'est quoi le fruit de tout ça? C'est division des musulmans. فَيَغْنَمُونَ مِنْهُمْ غَنِيمَةً. Leurs gains, ils vont l'obtenir. كَمَا هُوَ الْحَاصِلِ فَهَذَا كُلُّهُ نَتِيجَةٌ لِتَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُرُوجِ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ. Tout ça, c'est le fruit de la division, de la désobéissance du messager et du rebelle, le fait de se rebeller sur le gouvernant. الحاصل, conclusion, أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّهُ كَالَّذِي يَعِيشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Celui qui n'a pas de gouvernant, c'est comme celui qui vivait à l'époque avant l'islam. وَإِذَا مَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةِ. Et quand il meurt en état, yani sa mort, elle est comparable à la mort de quelqu'un qui meurt à l'état avant l'islam. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. لَكِنْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ. Il a une caractéristique, des caractéristiques de l'époque avant l'islam. حَيْثُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ طَاعَةِ إِمَامٍ وَيَعِيشُ الْفَوْضَى. Parce qu'il n'est pas sous l'obéissance du gouvernant et il vit dans le désordre. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في زيدي لوتفوا فتح الباري شرح البخاري دي سا دي سي يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا يعني سا ي إذا خصلة منهم كاركتيرستيك تجد تجد الكفار سي بور سا كو تو فوا كو لي كفار يفرحون لا لا لا لا انت تجد الكفار يفرحون انت تجد الكتاب مفتوحا كفار هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.